Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous, 37e épisode de la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante et le premier de l'année 2017. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, pour la première émission de l'année, je reçois un rockstaffariste, mélangeur de sons, auteur, compositeur pour la pub, éternellement débutant. On le retrouve tous les samedis soirs pour 2 heures de rock sur WFM. Nicolas Lespol, bonjour et bonne année. Bonjour Cécile, bonne année, merci de m'accueillir. Très très bon générique, j'adore. C'est Catonoma, c'est ça? Banco, vous avez reconnu. Ah oui, j'adore, c'est bien, bravo. Vous n'avez pas été nombreux dans les invités de la mécanique à reconnaître, donc bravo. Je passe ça de temps en temps. D'accord. Voilà, rock français, enfin, voilà. Ok, bonne année 2017, on peut vous souhaiter quoi, avant toute chose? Beaucoup de radio, beaucoup de musique, beaucoup de WFM, beaucoup de Saturday Night by Les Paul, et voilà. D'accord. Pendant 45 minutes, on va revoir toute votre biographie, tout votre parcours. Première question traditionnelle de l'émission. Vous êtes au micro d'une radio associative. Je voudrais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Ça me rappelle énormément de souvenirs. J'ai commencé. La première fois que j'ai parlé dans un micro, c'était dans une radio associative du nord de la région parisienne. C'était dans le tout début des années 80. C'était dans le plus grand centre commercial d'Europe, le centre commercial des Flanades à Sarcelles. 17e étage d'une tour. J'y suis allé un samedi après-midi, on m'a confié une émission le mercredi après-midi suivant, et une semaine après j'étais directeur des programmes, donc c'est génial, j'adore ça. Vous aviez quel âge? Ah, j'avais 20 ans, ouais, 19-20 ans. D'accord, dans vos études, etc., il y avait déjà un petit peu de radio Surtout pas. Ah, malheureusement, non, j'aurais adoré, mais non, moi j'ai fait des études classiques, mathématiques, enfin bon, j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Surtout. Et le jour où j'ai dit à mes parents, écoutez, bon, ça suffit maintenant, parce que j'y vais même plus, donc ça ne sert plus à rien. Voilà, je vais faire de la radio. Ma mère a appelé toutes ses copines et a dit, ah, c'est génial. Mon fils va être radiologue. Ah. Incompréhension. Voilà. Mon père, je vous dis même pas ce qu'il a dit. C'est pas acceptable derrière un micro. Donc voilà, et puis j'ai mis le pied dans la porte, et puis au bout d'un moment, ils ont été bien obligés d'accepter. Ça a été difficile pour vous peut-être de vous imposer par rapport à vos parents? Non, parce que c'est des parents aimants, donc au bout d'un moment, ils ont bien compris que j'allais pas travailler dans un bureau d'études, que c'était utopique, quoi. C'était juste, j'avais fait ça pour leur faire plaisir, et je suis pas allé au bout, très rapidement, j'avais 15-16 ans, déjà je dealais des cassettes dans la cour de récréation, je m'échappais le soir pour faire des trucs pas avouables derrière des micros, enfin bon, et voilà, ils ont compris très rapidement qu'ils n'allaient pas pouvoir exiger de moi que j'ai une carrière classique comme ils pouvaient l'imaginer. Puis ils ont été... Vous savez, mon père m'a toujours dit, ouais, c'est pas un métier, de toute façon la radio, c'est pas un métier, ok. Et puis, plusieurs années ont passé, et le jour où il a disparu, j'ai dit à ma mère, j'ai un regret quand même, c'est que mon père, quand même, vis-à-vis de mon métier, elle m'a dit, mais tu rigoles, me dit ton père, mais il connaissait toutes tes émissions par cœur. Quand je travaillais la nuit, au début je travaillais la nuit, je faisais des trucs minuit 6h, il mettait son réveil à 23h45 pour écouter jusqu'à 6h du matin, et il me l'a jamais dit, et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Voilà. Alors on revient à cette radio associative à Sarcelles. Ouais. Du coup, vous devenez quand même donc directeur des programmes. Oui, enfin semaine. Directeur des programmes, responsable des programmes en une semaine, parce que c'est ce que j'aime dans la radio associative. Si on peut en parler, moi je pense que la radio associative, elle a peut-être dans ses gènes l'avenir de la radio. Elle le porte, tout simplement parce que une radio associative, de par sa structure juridique et son autorisation d'émettre, elle est obligée de créer, elle est obligée de diversifier, elle est obligée de laisser place à la création et de pas s'enfermer dans quelque chose de très marketé, etc. Et c'est ce que j'aime moi chez les associatifs, c'est que vous pouvez après la mécanique des ondes, on peut avoir une émission sur la cuisine thaïlandaise et puis après sur autre chose de complètement fou. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et mon expérience dans cette petite radio associative du début des années 80, c'est-à-dire que là où les radios étaient encore même pas libres, elles étaient pirates encore. Hein, elle est fabuleuse parce que je me rappelle, il y avait des émissions qui étaient mais diamétralement opposées dans la structure, dans la culture, etc. Et tout ça faisait un tout. Et donc un programme que les gens écoutaient ou n'écoutaient pas, peu importe, mais ce qui nous amusait, c'était de le faire, voilà. Et moi, j'ai retrouvé ça quand j'ai dirigé quelques radios musicales, et puis aussi une radio de talk, j'ai dirigé BFM Radio, qui est la radio de l'économie. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce que on pouvait là, c'est une radio donc de talk qui existe toujours hein, d'ailleurs, mm-hmm. et qui marche très très bien. On pouvait là effectivement toujours dans un domaine très précis qui est l'économie, mais avoir un terrain d'expression qui était fabuleux. Et je trouve que chez les associatifs, il y a ce terrain-là. Il y a encore ce terrain-là. Cette radio associative, vous y restez en gros combien de temps ? Très peu. Oui, quelques mois. Mais alors, c'est fou parce que cette époque-là, oh là là, ça fait vieux de dire ça. Non, cette époque-là, dans le début des années 80, on va faire comme ça. Dans le début des années 80, moi, j'avais envie de bouffer du micro. C'est-à-dire que je savais que ça serait mon métier. Je savais que j'avais envie de parler derrière un micro, mais j'avais aussi envie de faire autre chose dans la radio. Mais surtout, quand même, parler derrière un micro pour véhiculer des émotions que la musique me procurait et les partager. Donc, ce que j'ai fait et ce que je faisais avec une bande de fous furieux de mon espèce à cette époque-là, c'est que on s'échangeait des informations. On se disait, tiens, tu sais qu'à tel endroit, il y a un gars dans son garage, là, il a monté un pylône avec un petit émetteur, il y a un peu de matos, hein, c'est pas, il n'y a pas grand-chose, il y a deux platines et machin. Alors on l'appelait, on essayait de prendre contact avec lui, on disait, écoutez, il paraît que vous avez une radio, est-ce qu'on peut venir ? Alors moi, je dis, quand est-ce que ça vous arrange ? Et comme les gars avaient une grille à remplir, parce que ils avaient tous un boulot à côté, hein, c'était le boucher du coin, et ils avaient un boulot, donc il fallait remplir les grilles, ils me disaient, je sais pas moi, mardi à 10h pour être là, du matin, je dis, il n'y a pas de problème. J'arrivais avec mes disques, ils me montraient deux, trois trucs, des fois il était même pas là, il me filait la clé, je montais au grenier ou je descendais au garage, on ouvrait, j'appuyais sur start et puis boum, je faisais une émission et puis voilà, et puis je changeais de radio, j'allais dans une autre. Tout ça, c'était associatif. Il n'y a pas encore les radios privées. Et donc, je suis resté dans ce système-là pendant quelques temps, oui, parce que j'avais besoin de faire mes armes en radio. Alors, vous, si j'ai bien lu votre biographie, vous rentrez à RTL en 1978. Non, je rentre pas à RTL. Je fais un stage. Non, pas du tout. Je fais un stage en 76, exactement. La première fois, je fais un stage parce que, l'histoire est longue et je pense pas qu'elle intéresse tout le monde. Je fais un stage. Voilà, je fais un stage au début à la compta pendant 3 jours et puis je m'ennuie vraiment tout d'un coup je suis dans un des grands couloirs d'RTL et je vois passer un grand monsieur du haut de ses 1m90 habillé comme un dandy et un peu barbu et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis je suis à la compta. Il me dit tu t'éclates? Je dis non. Il me dit bouge pas, il revient, il fait c'est bon, t'es mon stagiaire. Et c'était Jean-Bernard Hébé. D'accord. Donc voilà. Donc alors après, j'ai retrouvé Jean-Bernard à RFM. J'ai fait plusieurs stages d'été, job d'été, quoi. Voilà. Mais je savais de toute façon, à partir de ce moment-là, que c'était quelque chose que j'avais dans le sang, que ça me coulait dans les veines, et que de toute façon, je ferais quelque chose de ça. De toute façon, dès le départ, vous étiez quand même assez polyvalent. Vous vouliez faire du micro, mais vous vous intéressiez à autre chose. J'ai toujours été très curieux. Et je me suis toujours intéressé, je m'intéresse toujours à plein de choses, même dans ma carrière, j'ai toujours fait plusieurs boulots en même temps, aujourd'hui encore, qui sont des fois totalement différents et totalement opposés, même dans la philosophie, dans la culture, etc. Donc oui, dans ma carrière radiophonique, puisqu'on parle de ça, j'ai fait des choses, oui, beaucoup de choses, oui, oui. Oui, vous avez raison, bravo, très bonne question. Nicolas Lespaul, ça va être le moment de la première pause musicale, alors vous avez choisi quoi ? J'ai choisi deux titres. Alors on va peut-être, le premier, on va prendre un extrait d'un album de 1971, si mes souvenirs sont bons. Ça a été, je l'ai choisi parce que c'est ce que vous allez me demander. Pourquoi je l'ai choisi ? Exactement. Je l'ai choisi parce que c'est sans doute, je crois, le premier disque que j'ai possédé. Alors comment ça s'est passé ? C'est assez intéressant. C'est qu'à l'époque il y avait un club c'était du marketing pur et dur, hein, qui vendait des disques par correspondance. Il suffisait de remplir un petit coupon, on nous envoyait 3 ou 4 disques gratuitement, et ensuite il y avait un système d'abonnement où chaque mois on recevait un disque et il fallait en acheter un minimum de 4-5 par an. Bon, c'était on peut le nommer puisqu'il n'existe plus, c'était le club Dial. Ils vendent des chaînes stéréo, etc. Donc moi, j'ai vu ce truc-là au dos d'un magazine de télévision. J'ai rempli le truc. J'avais 11, 12 ans, hein, pas plus. Hein. J'ai rempli le truc pour mes parents. Et puis, naturellement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a reçu les disques gratuits. Dans ces disques gratuits, j'avais choisi des trucs qui m'intéressaient pas forcément. Et puis, un mois plus tard, on a reçu le premier titre, le premier disque, pardon, le premier album. Et cet album-là, moi, je l'avais pas commandé, je savais pas ce que c'était, et mon père m'a dit, mais on va en recevoir combien, comme ça? J'ai dit, j'en sais rien, je sais pas. Il me dit, bon, celui-là, on va le garder, puis on va voir les autres. Et donc, c'était un double album, il était rouge, j'ai commencé à écouter ce truc-là, c'était pas tout à fait ma came au début. Et puis, chemin faisant, l'album s'appelait 666, le numéro du diable. Je dis, oula, je savais pas ce que c'était. Hein. Mm-hmm. Je lisais les paroles, je comprenais ça qu'à moitié. Et au fur et à mesure que le temps a passé avec les années, je me suis intéressé à cet album. Cet album, c'est la traduction musicale psychédélique, rock psychédélique, de l'évangile Non, c'est pas l'évangile, pardon. C'est l'apocalypse de Jean, et non pas l'évangile de Saint-Jean, ça n'a rien à voir. L'apocalypse de Jean, c'est un truc qui a été fait sous acide, hein, il faut bien comprendre. Le chanteur en question, c'est Demis Roussos. Oui, il faut le savoir. Le grand musicien compositeur, c'est Vangelis. Et le groupe, c'est Aphrodite Childs. Et on va peut-être écouter un extrait de 666. Agency d'Aphrodite Child, c'est la première pause musicale choisie par Nicolas Les Paul dans cette mécanique des ondes. En effet, c'est planant. Hein. Oui, je crois qu'Arnaud, le réalisateur, ne voulait pas couper. Je peux comprendre. Bon. C'est des Grecs, hein, ils sont Grecs. C'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est que c'est du rock grec. Bon, voilà. Mais ça peut exister. Ah, mais ça existe, heureusement d'ailleurs. Ça irait bien d'ailleurs pour vos samedis soirs, là. Du coup, là, on est dans l'ambiance. Oui, entre autres. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a des choses un peu plus musclées quand même. Hein. Ça, c'est très bab. C'est bab cool. On vous a laissé à RTL, Nicolas Lespaul. On en est qu'à une toute petite partie de votre biographie. Hein, quand ouais, même. Donc, ouais, il va falloir raconter beaucoup de choses. On a encore un petit peu de temps, hein, je vous rassure. On vous a laissé justement à RTL. Vous êtes devenu donc stagiaire. Vous y restez combien de temps à RTL et comment ça se passe? Vous c'est apprenez pas c'est pas RTL, je travaille pour Jean-Bernard Hébé. Voilà. D'accord. Pour Jean-Bernard Hébé. Donc forcément RTL, puisque mais non c'est quelques fois on va dire parce que c'est renouvelé, mais très rapidement donc là je cherche des micros, je cherche parce que à cette époque-là il y a RTL, il y a enfin à Paris en tout cas il y a RTL, il y a Europe 1 et puis il y a France Inter, puis il y a plus rien. Je cherche des micros, il y a des radios un peu partout dans le monde qui font ou plutôt en Europe qui ont pirate. Bon bah moi j'ai pas la possibilité d'aller en mer du Nord ou sur une plateforme pétrolière ou il y en a quelques-unes terrestres, donc j'essaie de trouver mais je trouve pas. Et puis dans la fin des années 70, début des années 80, là il y a ces radios qui commencent à fleurir et là ça devient une évidence pour moi. J'y vais, je suis prêt à traverser la France, la région parisienne, la stratosphère pour aller faire un peu de radio. Donc je fais comme ça Radio Grande Vitesse donc à Sarcelles, j'en ai fait plein plein. Je me rappelais même plus, des fois je faisais qu'une émission. Je me rappelle surtout d'une. C'était à Clé-Souilly. Alors, je sais pas où est Clé-Souilly, hein, je suis désolé, mais je me rappelle de Clé-Souilly. Il fallait y aller, donc j'y étais allé. Et le gars, c'était dans son garage, et il me dit, vas-y, fais l'émission. Je commence une émission qui était une émission musicale. Je faisais que ça. Moi, j'avais que ça à vendre. Et, au bout d'un quart d'heure, il me fait, non, ça va pas du tout. Alors, ça, c'est pas de la radio. Il faut que t'arrêtes la radio, parce que franchement, c'est pourri. Je dis, peut-être que j'aurais dû l'écouter. C'était dur. Oui, effectivement, vous parcourez beaucoup de radios. Vous revenez quand même sur des plus grosses radios. La première, ça a été RFM. Voilà, c'était RFM début des années 80, en 83, je crois. Je situe ça à peu près là, parce que RFM c'était la plus grosse radio libre entre guillemets sur la région parisienne, bien avant Énergie, et c'était la radio qui faisait ça de façon extrêmement professionnelle. Moi, j'avais beaucoup d'admiration quand j'écoutais ce truc-là. J'avais beaucoup d'admiration pour les gens qui étaient là. Je les connaissais plus ou moins, mais juste de nom. Il y avait Coluche, il y avait Balavoine, enfin bon, et puis il y avait surtout des animateurs avec une voix comme ça. Et en plus, ces gens-là passaient la musique que j'aimais. C'était sur un modèle de musique américaine, des charts américains, donc ils descendaient les charts en long, en large et en travers. Et moi, c'était la musique que j'aimais. Et c'était mon rêve de travailler là-bas, et le rêve s'est réalisé, voilà. Mais comment il s'est réalisé? Alors, bêtement, on a 2 heures devant nous ou pas? Bêtement, RFM était partenaire du Salon de l'Auto. Moi, je suis pas forcément fan d'automobile, ni du Salon de l'Auto, mais comme je savais que RFM était partenaire, je passais dans le coin, et c'était non loin d'ici d'ailleurs, il y avait un stand d'essai dans le bois de Boulogne. Je vais dans ce stand d'essai, et c'était un Fiat, bon, pour ne pas les nommer. Il fallait essayer une voiture, et quand vous sortiez de cet essai, il y avait une jeune femme qui vous accompagnait dans un studio et vous donniez vos impressions. Et donc, moi, le gars me dit, vous voulez essayer? Je fais, non, moi, je veux juste donner mon impression. et la femme qui était là me dit, écoutez, venez. Elle me dit, mais on va pas vous demander l'impression sur l'essai de voiture. Je dis, non, moi, je veux juste parler dans un micro, et je parle dans le micro. Et cette femme me dit... De quoi vous voulez parler? Je voudrais parler de ma passion pour la radio. Je suis auditeur de RFM. Je voudrais juste vous dire combien je vous aime et combien je trouve ça génial. Et elle arrête l'enregistrement. Elle me dit, écoutez, je suis Geneviève Meyer, la femme de Patrick Meyer, le fondateur. Il faut qu'on fasse quelque chose avec vous. Passez nous voir à partir de lundi. J'y suis allé le lundi et le samedi d'après, j'étais à l'antenne. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça serait possible aujourd'hui? J'espère. J'espère que ça sera. Si j'avais les moyens de le faire, je le ferais, oui. Bien sûr, j'espère. Moi, j'espère toujours parce que c'est extrêmement important pour l'avenir de notre métier de pouvoir donner sa chance, leur chance à des gens qui sont passionnés. Parce qu'on a besoin de ça. On n'a pas uniquement besoin de techniciens, de gens qui viennent chercher un job. On a besoin de gens passionnés dedans. Dans tous les métiers, quel que soit le domaine. Et je pense que c'est dans la radio, c'est un peu plus important qu'ailleurs. RFM, on vous donne une émission hebdomadaire. Oui. Au début hebdomadaire, très rapidement quotidienne. Jean-Bernard Hébé prend la direction des programmes d'RFM à une certaine époque. Et donc, naturellement, on se retrouve et il me dit, écoute, je vais faire de toi la star d'RFM. Et Et alors, je dis, mais non, mais c'est pas le but de l'opération. On n'en est pas là. Il me fait, si, je vais te sortir des programmes de nuit où je vais te mettre dans la journée. Et alors, il y a une anecdote comme ça qui est assez terrible. C'est que il me confie la tranche de l'après-midi, 16h, 20h, quelque chose dans ce goût-là. Et donc, moi, j'avais pas du tout l'habitude. Moi, j'adorais l'ambiance de nuit. J'adorais choisir mes disques, mettre des titres comme celui-là, installer des climats, etc. Et là, je me retrouve avec une playlist et des jeux à faire. Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de faire les jeux. J'ai horreur de parler, de vendre des trucs à l'antenne. C'était une horreur. Et donc, je commence l'émission et 10 minutes après, la porte du studio s'ouvre et Hébé se met derrière moi debout et attend. Et puis j'avais Jean-Bernard Hébé qui était juste derrière. Et j'ouvre le micro et je suis tremblant, je suis hésitant et je ferme le micro. Il a les bras croisés, mon regard, il me fait ouais, bof. Et puis arrive le moment du jeu. Et donc je lance le jeu, j'étais tétanisé parce qu'il y avait l'ancêtre qui était là et c'était un modèle pour moi, vous imaginez bien. Et je balance le truc et je m'en mêle les pinceaux et au lieu de donner le numéro de téléphone de la radio, je donne le numéro de téléphone de chez moi. Ah oui, à ce point-là. Et là j'ai fermé, j'avais d'un côté Jean-Bernard Hébé qui me disait, qui m'insultait, et de l'autre ma copine de l'époque qui m'appelait pour me dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà, donc ça, c'est des souvenirs un peu drôles de ma carrière à RFM. Alors RFM, ensuite, vous restez pas que animateur, vous allez un petit peu grappiller, justement, proposer des choses, proposer des idées. Toujours. On me confie des émissions, on me confie une émission qui s'appelait Radio Star, où je vais rencontrer tous les grands rockers de ce monde, et ça, c'était génial, parce que c'était hebdomadaire. J'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires, Peter Gabriel, David Bowie, Stevie Ray Vaughan, enfin, toutes mes idoles, toutes les icônes. Voilà, on me confie une émission sur le cinéma. J'avais horreur de ça, mais on me confie quand même une émission sur le cinéma que je fais en direct du Banana Café, je me rappelle. Des trucs, voilà, plein de choses. On vous fait beaucoup confiance, en fait. C'est-à-dire que peut-être que j'ai un pouvoir de conviction, parce que on sent, je crois, rapidement chez moi, la passion et l'envie de faire. Voilà. Après, c'est pas toujours très bien, mais une fois que j'obtiens le job, comme dirait l'autre, après c'est voilà. Oui. On m'a fait confiance beaucoup, oui, heureusement d'ailleurs, parce que ça m'a permis de m'éclater. RFM, ça se termine quand ? Ça se termine en 1986, lorsque Kiss FM voit le jour, Canal+, avec d'autres capitaux, rachète 95.2. Il y a une espèce de fusion avec, je crois, le réseau d'Europe 2 à l'époque, qui s'appelait CFM. Il y a tout un tas de manipulations comme ça qui font qu'il y a une radio qui s'appelle Kiss FM qui naît, et on m'appelle à Kiss FM. Et c'était Luc Pourinet, je me rappelle, Kiss FM, qui m'appelle et qui me dit « Écoutez, moi j'ai entendu parler de vous, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose avec nous. » Je dis « Alors moi, c'est clair, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi je ne travaille pas avec des playlists. Et je ne travaillerai jamais avec une playlist imposée par un programmateur. Soit vous me faites confiance et vous me donnez une émission, même la nuit, tard, etc., où j'ai une entière liberté de programmation, soit on peut pas travailler ensemble. » Et il me dit « Mais vas-y, Coco. » C'est voilà. Et je suis à Kiss FM à 20h. Animé une émission qui s'appelle Le Rock dans tous ses états, dans laquelle plus tard, quelques mois plus tard, on me confie un co-animateur, enfin je deviens le co-animateur plutôt, pardon, de Bernard Lenoir, qui va faire une demi-heure. L'émission va s'appeler Caresse et Kiss à l'œil. Ça sera le début du Rock dans tous ses états. Et le mercredi, je rappelle mon ami Richard Bohringer, avec qui on avait créé une émission sur RFM, et ça va devenir l'émission culte que l'on connaît aujourd'hui. Kiss FM, c'est pareil, ça dure combien de temps ? 3 ans, 3-4 ans, je sais pas, j'ai pas compté. C'est très peu. Oui, mais c'est très peu, mais c'était très intense. C'était super intense, Kiss FM. On s'est éclaté. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait énormément d'argent. Et je dis ça, c'est pas péjoratif. C'était la première fois qu'il y avait de tels investissements possibles dans une radio. Donc on s'est éclaté. On a créé des trucs complètement fous. Moi, j'ai présenté un magazine d'information, alors que je faisais du rock'n'roll. J'ai présenté un magazine d'information avec Gilles Allais et Thierry Auchard. Thierry Stenner, pardon. Je sais plus comment il s'appelle. Ce sont deux journalistes aujourd'hui reconnus. J'ai adoré ce moment. Voilà, on pouvait faire tout et n'importe quoi. C'est ça qui était génial. On s'est éclaté. Il y avait Arthur. Il y avait toute une bande. Il y avait Nagui au début. Il y avait toute une bande. Il y avait surtout les gens de Canal+. Il y avait les nuls qui nous envoyaient des trucs. Et Bonaldi. Je sais même pas si effectivement ce modèle économique là aujourd'hui marcherait avec autant de grands noms. Ça fonctionnerait pas parce qu'on était au début de quelque chose. C'était le début des grands réseaux. C'est-à-dire que là, on était, c'était le feu aux poudres, quoi. Voilà. Donc, on a craqué l'allumette. Après, bon, c'est devenu un peu différent. Ça a explosé après. Vous êtes passé ensuite chez Nostalgie. Oui. Oui, je suis revenu à RFM un petit peu parce que RFM avait été racheté par le groupe Crown Communication, ils m'ont rappelé. J'ai fait 2 ans, on m'a confié tout un tas de choses. C'était assez sympa, mais bon, là il y avait une playlist. Ça commençait à me, je me sentais pas à l'aise parce qu'on m'imposait la musique. Alors je faisais le matin, là je faisais 9h midi. J'étais juste après Groucho et Chico et juste un peu avant Yannick Noah. Enfin. Oh, c'était un truc de fou. Je me demandais ce que je faisais là. Mais ils étaient tellement sympas. Et puis, RFM, c'est dans mes gènes, hein. Bon, voilà. C'est une radio qui, voilà, génétiquement, je suis très très proche de cette radio. Donc j'y suis retourné et puis bon, très rapidement ça m'a gavé et je rencontre un jour, on me dit tu devrais rencontrer quelqu'un qui vient de prendre la direction générale de Nostalgie. Pff, attendez les gars, j'ai un blouson noir, j'ai des bottes pointues, j'ai les cheveux qui m'arrivent jusqu'aux épaules, j'écoute à fond la caisse du hard rock et les Rolling Stones et machin. Qu'est-ce que je vais aller foutre sur Nostalgie? Et je vais à ce rendez-vous, on prend rendez-vous pour moi. Et je vais à ce rendez-vous et je tombe sur un garçon veste croisée, gominé, cigare à la main, la grosse montre, enfin tout ce que j'étais pas en fait. Et le gars me fait la danse de Saint-Guy pendant une demi-heure en me disant j'ai besoin de vous, etc. Et je le trouve extrêmement séduisant dans sa façon d'amener les choses, dans sa passion de la radio. Et j'ai qu'une seule envie en fin de compte à la fin du rendez-vous. C'est de commencer tout de suite. Il cherchait un directeur des programmes pour Nostalgie et cet homme-là est devenu quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et qui compte encore beaucoup, c'est Fabrice Larue. Voilà, donc si vous savez pas qui est Fabrice Larue, allez sur Google, vous allez vite comprendre aujourd'hui ce que ce monsieur fait à la télévision. Alors directeur des programmes, ça veut dire arrêter l'antenne ? Oui. Alors pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh non, moi ça m'a jamais dérangé. L'antenne c'était pas une fin en soi. Moi c'est la radio avant toute chose. Aujourd'hui je fais de l'antenne, mais bon, j'en ai fait aussi il y a 20 ans. Donc non, c'est la radio. Moi ce qui m'intéresse c'est la radio avec un grand R. C'est de faire vivre cette entreprise, cette équipe, de voir les gens, de faire partie de cette équipe. Voilà, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais de faire ce que je faisais juste avant de venir et de faire ce que je vais faire juste après. Voilà. Tout ça m'intéresse. Et directeur des programmes, c'est génial parce que c'est l'antenne. Mais j'ai pas fait que l'antenne. Je faisais de la promotion, je faisais de la communication, je faisais tout un tas de choses. Et ouais, c'est génial. Quand on est passionné, c'est juste le job de rêve, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Il y a pas de difficulté, même. Enfin, je sais pas. On découvre quand même le management et des choses comme ça. Ouais, ben ça j'ai appris. Je suis allé en Suisse me taper un stage de management. J'ai fait un master. Ouais, non, c'était. Ah non, c'est du boulot. Attention. Alors, je sais qu'on s'adresse à des gens qui connaissent la radio, donc eux le savent. Mais ceux qui ne connaissent pas la radio, attention. Tout ce qu'on dit à ce micro dans l'émission de Cécile, c'est issu d'un travail extrêmement important. Ouais. C'est un vrai métier qui demande de beaucoup d'énergie, un investissement personnel très important et une somme de travail colossale. Ah ouais, c'est pas un truc, on n'arrive pas, on s'improvise pas, voilà, non, c'est directeur des programmes d'une radio, c'est pas un truc, je veux dire, il n'y a pas d'école, l'école c'est celle de la vie et celle de l'entreprise, parce que on dirige des entreprises, même si elles sont associatives, c'est une entreprise d'hommes, de femmes, qui est tenue d'avoir des résultats. Exactement. Alors Nicolas Lespaul, vous allez bien introduire la deuxième pause musicale, faut qu'on fasse une petite pause. Alors on va faire rapide là, parce que celle-là je pourrais faire 2 heures dessus. Allez-y. La deuxième pause c'est Steely Dan parce que c'est le groupe que je préfère et puis parce que c'est extrait d'une bande originale de film qui s'appelle FM et qui raconte l'histoire de notre métier. Voilà. The girls Steely Dan avec FM, une chanson appropriée, peut-être mon futur générique, Nicolas Lespaul, je vous remercie. Bah, j'adorerais. Ah, celui que vous avez aujourd'hui est pas mal non plus. Bon, bah, tout le monde me dit ça, alors finalement je change pas. Non, changez pas. Bon, d'accord, ok. Nicolas Lespaul, on vous a laissé à Nostalgie et je voulais faire un petit peu un bond dans le temps parce qu'effectivement, vous avez été, alors si je dis pas de bêtises, vous avez été directeur des programmes de BFM. Oui, oui, oui. Voilà. Directeur même délégué. De BFM et BFM TV, j'ai dirigé l'artistique aussi. Ouais. Effectivement, c'est un grand pont. On vous a laissé dans la musique. Là, on vous retrouve dans l'info. Dans l'écho et l'écho et l'écho la télé. Et l'info, hein. Ouais, ouais, ouais. Et en plus la télé, oui. En effet. Ouais, j'ai créé. Non, sous l'impulsion d'Alain Veil, j'ai porté le projet BFM Business pendant quelques temps avant qu'il ne voie le jour. Oui. Et comment l'occasion s'est créée? On vous a appelé? Oui, on m'a appelé. Oui. J'avais décidé à une époque de ma vie de faire autre chose, de voyager, de faire du consulting. Donc j'étais allé en Belgique, un petit peu au Maroc, un peu en Amérique du Sud. Bon, des petites missions comme ça de consulting. Puis ça me plaisait pas parce que j'étais loin de chez moi, loin de ma famille. Et puis un jour, on m'a dit, tu sais, BFM, on cherche quelqu'un. Donc j'y suis allé. On s'est entendu pour une petite mission. Et puis bah voilà, j'ai mis le doigt dans ce truc-là. Au début, je connaissais rien. L'écho, c'est pas un domaine qui m'intéressait particulièrement, mais bon, voilà, je suis tombé sur des gens intelligents, des gens sympas au début, on s'est bien éclaté, et puis très rapidement, le bras y est passé. Et la totalité, tout le corps. Effectivement, vous découvrez la télévision, vous aviez des notions de... Non, j'avais fait un peu de télé, parce que entre temps, j'étais allé voir Arthur, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, il était chez Endemol, et on a fait un peu de télévision ensemble. Et puis après, j'ai monté une petite structure qui s'appelait PLM, où j'ai fait quelques programmes de télévision. J'étais tout seul sur ce coup-là. Je réalisais, je montais, j'animais. Enfin bon, c'était un truc de fou. C'était des petites expériences comme ça. Et l'expérience télévision a été assez intéressante puisque la grande idée, ça a été de prendre tous les canons de la télé française et tous les repères et de tout jeter. Et de faire exactement le contraire de ce qui était prévu, ce que les gens appelaient les tables de la loi. De la télévision, on a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a introduit en France tout un tas de choses, notamment le présentateur debout, c'est BFM qui l'a fait en premier. Moi, j'ai fait de l'habillage musical pour les émissions qui sont encore à l'antenne. L'habillage est toujours à l'antenne, où j'ai pas hésité à mettre des guitares saturées, à faire du rock'n'roll, à faire du disco avec le pied de batterie sur le temps. Enfin bon, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, d'entendre. En tout cas, moi, je me suis beaucoup inspiré de ce que faisaient les Américains. Et puis voilà, on a fait ça. Et ça a été possible parce qu'on vous a donné carte blanche. Parce que ce sont des gens intelligents. Parce que ce sont, une fois encore, l'intelligence de ces gens qui ont le pouvoir d'être audacieux dans ce métier, voilà, et qui ont pas sont pas frileux, ont pas envie de faire comme tout le monde. Et moi, c'est ce qui me gêne un petit peu dans l'avenir de ce métier de radio, hein, j'entends, hein. C'est que j'ai l'impression que mes confrères sont extrêmement frileux, c'est-à-dire qu'ils font tous la même chose et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de souffrir de consanguinité, parce que tout le monde se mélange avec tout le monde et tout le monde fait la même chose. Et moi, ça me gêne un peu, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est lié au contexte économique? On essaye de prendre de moins en moins de risques? Oui, probablement, oui, bah évidemment, c'est lié au contexte économique, c'est la vie des entreprises, c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Mais ce que je regrette, c'est que quand on a, alors je dis pas que le malade est souffrant et à l'article de la mort, mais quand on a comme ça des hausses de température et des diagnostics importants, il faut réagir. Voilà, et on va pas se mentir, moi je veux bien que rencontrer des gens de marketing, des gens d'études, des gens de chiffres qui vont dire « mais non, mais tu comprends rien », etc. Ok, à un moment donné, on va mettre le doigt là où ça fait mal. Il se passe plein de choses en radio, des choses qui sont pas forcément agréables pour l'avenir. Et je pense qu'il faut réagir par rapport à ça, et pas se raconter d'histoire, et arrêter de faire croire que tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas vrai. En radio, il y a des choses qui méritent d'être améliorées. Vous êtes donc à la direction des programmes de BFM, BFM Radio également, hein, puisque le groupe Next Radio TV est, je crois, un des seuls. BFM Radio, oui. C'est voilà, BFM Radio. Qui effectivement copie donc la télévision en radio, quelque chose qu'on ne retrouve d'ailleurs dans aucun autre groupe aujourd'hui. Si je dis pas, bon, maintenant avec France TV Info, c'est différent. Oui, oui, oui. Mais donc après tout ce passage, vous retrouvez un micro à Oui FM, parce que pendant toutes ces années-là, pas de micro ou si un petit peu quand non, même non, à non. côté. Ah non, rien du tout. Non. Bah, je pouvais pas. Je travaillais 20 heures par jour. On pouvait pas faire. Et non, puis c'est incompatible pour moi. On peut pas diriger des équipes et puis faire de l'antenne en même temps. C'est pas possible. Il y en a qui le font, mais moi je trouve que c'est pas possible. Non, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, je connais bien Arthur. Il a commencé à RFM. Le jour où il est arrivé à RFM, Patrick Meillard lui a dit, écoute, si tu veux réussir dans cette entreprise, il faut que tu suives Nicolas Lespaul. Donc il est venu me dire, on m'a demandé de te suivre. Il a fait exactement le contraire de ce que je lui prodiguais comme conseil, et c'est tant mieux parce qu'il a réussi grâce à ça. Donc on est devenus très potes et on a beaucoup travaillé ensemble, et à chaque fois il me disait, un jour Nico, j'aurai ma radio, on aura notre radio, toi et moi, tu verras. Et un jour il m'appelle, plus de 20 ans après. Il me dit, Nico, c'est bon, on a notre radio. Je dis, on a ta radio, pas la mienne. Mais c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tu viens, tu fais ce que tu veux. Je dis, je peux pas, Arthur, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai beaucoup de boulot, et puis parce que je doute fort que les gens de BFM et de Next Radio acceptent. Il me dit, bouge pas. Il raccroche, et 10 minutes après, il y a l'inveille qui m'appelle, il me fait, c'est bon, hein, c'est ok. Je dis, mais pour faire quoi? Il me dit, je sais pas, Arthur m'a demandé si j'étais d'accord pour vous laisser faire un peu de radio comme ça de temps en temps. Et Arthur me rappelle, il me fait, alors on commence quand? Je dis, bon, ok. Donc j'ai fait les deux pendant un moment, pendant plus d'un an d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté BFM parce que je suis tombé malade, pour ne rien vous cacher. Et il a fallu que je me soigne, je me suis soigné pendant 2 ans. Mais Oui FM a eu la grandeur d'âme, l'intelligence également. Et je suis très touché quand je parle de ça. Ils ont rediffusé mes émissions pendant 2 ans et ils m'ont gardé une place au show. Et le fait qu'ils rediffusent mes émissions et que j'ai pu reprendre une petite activité après mon combat contre la maladie, ça a été pour moi salvateur, parce que je savais pourquoi je me battais. Ça a été extrêmement compliqué. Et donc c'est au nom de ça, si vous voulez, que je me suis ensuite senti très attiré par cette émission, par cette équipe, par ces gens-là. Et aujourd'hui, je fais la 7e saison. Ça fait presque 7 ans maintenant qu'on est ensemble. Et voilà. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur de me faire confiance et de me laisser m'exprimer et exprimer ma passion chaque samedi soir. Alors, Nicolas Lespaul, je savais que vous étiez bavard, mais je ne savais pas à ce point-là, en tout cas. D'habitude, en fait, les invités posent des questions aux invités suivants. Et là, dans le flow, en fait, de la conversation, Claude Aymer, l'invité précédent, vous pose une question. Bonjour Nicolas, j'ai le plaisir de te connaître, nous avons partagé quelques déjeuners et dîners, et donc je ne te poserai pas la question quand déjeunons-nous, encore que nous étions convenus de le faire d'ici la fin de l'année. Non, j'ai une question beaucoup plus sérieuse à te poser, est-ce que tu es un pro-RNT ou un pro-IP ? IP, c'est la radio par internet, wifi, etc. Quelle est ton opinion ? Je crois connaître la réponse, mais je n'en suis pas certain. Bonne année 2017, mon cher Nicolas, et je sais que combien cette phrase a un sens pour toi. Je t'embrasse. Merci Claude, merci. Je vais m'empresser de le rappeler juste après pour le remercier. Effectivement, on se connaît un peu. Effectivement, il connaît la réponse à cette question puisqu'on a fait ensemble une émission de radio durant laquelle on a débattu à propos de ça. Alors, est-ce que je suis pro RNT ou pro IP? Bon, on va tout de suite mettre les choses au clair. Et l'IP, c'est payant. Donc pour moi, payer pour écouter la radio, c'est pas possible. Ça marche comme ça. Donc faire de la radio sur IP, c'est payant. Il faut avoir un abonnement à Internet. Sinon, ça marche pas. Demain, si l'Internet devient gratuit, ce sera génial. Donc moi, je préfère de la radio gratuite. La RNT, c'est gratuit. Il suffit d'acheter naturellement un poste de radio qui capte la RNT et c'est basta cosy. Donc déjà, ma préférence va là. Alors après, qu'est-ce que je pense de la RNT ? Ça, c'est un autre problème. Je pense que la RNT, comme tout le monde d'ailleurs, arrive un peu tard. En France, c'est étonnant. Voilà, si elle était arrivée il y a 10 ou 15 ans, peut-être que... voilà. Je pense que la RNT, c'est un formidable outil de développement pour un certain nombre de radios qui existent déjà. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse. Pour Oui FM, c'est essentiel. parce que WFM est la seule radio rock en France, et je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi cette radio, qui ne fera aucun mal aux autres radios si elle arrive dans une grande ville, puisqu'on n'est pas sur le même format, qui n'ira pas prendre 50% du marché publicitaire, pourquoi elle n'est pas dans les grandes agglomérations ? Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant la RNT, bah écoutez, s'il n'y a pas de moratoire de la FM, je ne vois pas pourquoi un auditeur, un lambda, mes compatriotes cette fois-ci, irait appuyer sur un bouton sur leur autoradio pour avoir un programme qu'ils ont déjà en FM. Donc ça veut dire que la RNT ne peut fonctionner, sauf dans le cas d'un développement comme celui de WFM, que si on a des programmes spécifiques. Et moi là, je suis extrêmement inquiet. Parce que j'ai travaillé sur des dossiers de RNT où on m'a dit « Coco, vite, vite, vite, il faut qu'on dépose RNT, vas-y, trouve-moi des idées. » Mais attends, des idées de quoi ? Des idées pour occuper un tuyau ? Ah, mais c'est pas ça l'idée. Mmh. L'idée, c'est pas ça, c'est de fabriquer des programmes. « Ah ouais, non, mais on n'a pas d'argent. » Bah, si t'as pas d'argent, tu fais pas de programme. Pas de bras, pas de chocolat. La mécanique des ondes. Un homme de radio qui pourrait être votre modèle ? Fabrice Larue. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Il n'y en a pas. Mon adolescence, RTL. Quelle radio vous réveille le matin ? Aucune. Quelle radio vous endort le soir ? Aucune. Ça me rappelle le bureau. Ah bon, d'accord. Ah non, mais attendez, je peux pas. Moi, j'écoute de la musique toute la journée, c'est mon métier, donc je peux pas. Un peu de silence matin et soir. Vous m'avez dit la radio, hein. Si vous me parlez de télé, oui, bah forcément, ça sera BFM. Mais la radio, non. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Nulle part, j'écoute jamais la radio. C'est étonnant. Dans la voiture, j'écoute la radio, mais j'écoute de l'info. Je zappe beaucoup, et puis de toute façon, quand je suis pas seul, j'écoute pas la radio. Je discute dans la voiture ou je téléphone, mais avec le kit main libre. Hein. Ah, vous me rassurez. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Bah partout, chez moi. Un seul souvenir de radio, un très bon souvenir. Le prochain. Le pire souvenir. J'en ai pas, parce que quand on a une passion, on n'a pas de pire souvenir. Chaque chose est bonne à vivre et bonne à prendre. Un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio ? Il faut aimer travailler, il faut être passionné et il faut aimer. C'est très beau pour commencer l'année 2017. Nicolas Lespaul, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt, on vous retrouve évidemment sur votre CD Saturday Night by Les Paul. Oui, faut pas l'oublier. Puis on vous retrouve tous les samedis soirs sur WFM. Oui, effectivement, je commets ça. Bonne année. Oui, bonne année à vous, Nicolas Les Paul. À bientôt, toutes les émissions sont réécoutables sur le www.lamecaniquedesondes.com et fréquenceprotestante.com.